portera nos regrets. Si nous survivons, peut-être le souvenir dévasté de notre ancienne planète. On emportera nos remords de ce temps où l'on savait, si honteux d'avoir eu tort, d'oublier que l'on pouvait. J'ai rêvé la douceur de certains soirs, j'ai rêvé surtout qu'il n'était pas. Des prières, on peut détourner nos têtes, s'enfermer dans nos armures, se noyer le bain de fête, et puis foncer dans le mur. J'ai rêvé la douceur de certains soirs, j'ai rêvé surtout qu'il n'était pas trop tard. Jamais.